Chapitre 5e, dédoublement. L'affaire vient enfin de démarrer. Aucune plainte pour vol n'a été déposée concernant un véhicule identique à celui du mort. C'est une Simca P60. Sans les plaques minéralogiques, il va falloir identifier le véhicule avec le numéro de série. Je dispose désormais d'une commission rogatoire qui nous permet d'actionner la machine. Les empreintes relevées dans la voiture sont bien celles du mort. Il n'y a aucune trace d'une autre personne, malheureusement. Finalement, on arrive à établir que la voiture appartenait à un certain Guelmar, domicilié rue Philippe Rigaud à Aix. Lorsque Michaud m'apprend ça, je me lève brusquement et vais me planter devant la fenêtre, le front contre la vitre, pour cacher ma pâleur. La preuve est faite que le billet trouvé sur le mort n'était pas du pipeau. J'avais bien pressenti que d'une façon ou d'une autre, j'allais être dans les engambis jusqu'au cou. Et ben voilà, c'est fait. La route, la voiture, le modus operandi, tout me parle dans ce crime. Mais jusque-là, je me disais qu'il fallait une sacrée dose de coïncidence pour qu'il s'agisse de mon meurtre à moi. Non, c'est un cauchemar, c'est sûr, je vais me réveiller. Pourtant, le casino est toujours en face de la fenêtre, de l'autre côté de la rue. Rien ne se passe. Il faut que je bouge, que je dise quelque chose. Mon cœur bat à tout rompre. Je fais une soudaine volte-face et sans regarder Michaud, je dis faiblement sur un ton sec « Allez, prépare ce qu'il faut, on va faire une perquise chez Guelmar, et remue-toi. » Il faut que je me mette dans l'action, quitter cette pièce, essayer de redescendre sur terre, femme de pied. Michaud n'est jamais surpris de mes sautes d'humeur. Depuis la mort de ma femme et de mon gosse, j'ai de temps en temps des passages à vide pendant lesquels je semble friser la schizophrénie. Dans ces moments-là, Michaud préfère la jouer discret et transparent, car il sait qu'il aurait beau dire n'importe quoi, ça n'arrangerait rien. Je lui en sais gré, et la plupart du temps, je remets vers lui, pas fier. Je lui tape souvent sur l'épaule et murmure un « Ah, Michaud !» dans lequel Serge doit sentir mon attachement. Une solide amitié nous unit, mais il faut bien que quelqu'un commande, surtout dans la police. Mes hommes trouvent facilement le domicile de Guelmar, d'autant plus facilement que j'y suis venu plusieurs fois incognito. Notre bagnole bouche la rue étroite, peu importe. Si quelqu'un veut passer, il klaxonnera. Nous montons un escalier sombre et étroit. Dans le logement exigu, au milieu d'un doux bordel, nos paluches farfouillent et trouvent des souvenirs du passage de la victime de l'armée en Algérie. Photo en chapeau de brousse kaki, en short, avec une fillette indigène aux yeux baissés. Le héros sur le dos d'un bourricot. Enfin, la panoplie habituelle de ce genre de folklore. Une fourragère, une quille en bois, des étuis de balles, une chéchia, des babouches, des petits plateaux de laiton damasquiné, sans oublier une collection de Paris Hollywood de Johnny. Une des photos noir et blanc m'intéresse particulièrement et pour cause. On y voit deux hommes, dont Guelmar, assis sur le pare-choc avant d'un camion militaire Renault surélevé. Ils se tiennent par l'épaule et sourient. De chaque côté du camion, on aperçoit deux soldats qui passaient par là et ne posent visiblement pas pour la photo. À l'endroit du corps de l'un des deux hommes, la photo est percée d'une entaille. Je la fais promptement disparaître dans ma poche, à l'insu de Michaud. « Bon, pour le reste, Serge, tu mets tout dans des enveloppes, et attention aux empreintes. »« Dites, patron, je suis pas un débutant. Je n'aime pas quand vous jouez comme ça au grand chef. » Visiblement, Michaud doit penser que je ne suis pas dans mon état normal. Il fait profil bas. Nous trouvons également des photos d'une femme d'une quarantaine d'années, encore appétissante et quelques lettres. Michaud commence à en lire quelques-unes. « Non, Serge, laisse tomber, on dépouillera tout ça au bureau. En attendant, j'aimerais que tu t'occupes de voir ce qu'on peut tirer d'autre de la carcasse de la bagnole. Il vaut mieux pour moi que Michaud parte le plus vite possible. Bien, patron, je vous laisse alors. Oui, c'est ça, laisse-moi. Je terminerai. Je rentrerai à pied. Vous pouvez enlever la bagnole. J'ai besoin de marcher. » Pour retrouver mon calme et essayer de mettre de l'ordre dans mes idées. Pour l'instant, je suis incapable de savoir ce qu'il faut faire. Je vais laisser l'enquête se dérouler gentiment, tout en essayant de découvrir ce qui se cache sous cette affaire. Pas question de mettre qui que ce soit au courant de mes relations passées avec Guelmar. Trop risqué. Arrivé au commissariat, ce bon me fait son rapport. Les RG ont rappelé que Guelmar, il y a 4 ans, avait été condamné par le tribunal d'Aix-en-Provence. Alors qu'il ramenait une colonie de vacances de Barcelonnette, il avait envoyé son car dans l'Ubaye. Trois enfants étaient morts sur le coup et l'accident avait eu pour conséquence 5 handicapés. Sans compter un des enfants dont la vie était désormais celle d'un légume et la vie de ses parents un martyr. Gelmar lui avait été éjecté dès le premier choc et s'en était sorti pratiquement indemne. À l'hôpital, il avait raconté aux gendarmes qu'il avait voulu éviter un chien ou une autre bête. Il n'avait pas bien vu. L'affaire avait fait grand bruit et des ténors du barreau s'étaient affrontés pour les beaux yeux de la presse. Bien que Gelmar ait eu une condamnation en Algérie, ses avocats avaient invoqué la fatalité, mis le jury en garde de ne pas transformer leur client en bouc émissaire et tout le toutime. Ni la partie civile ni les jurés ne s'étaient vraiment montés incisifs, et le coupable avait écopé d'un an avec sursis, en guise d'avertissement. Les petites victimes étaient issues de familles pour la plupart modestes, qui n'avaient jamais oublié les pertes ou les préjudices subis. Pourtant, aucune d'entre elles n'avait demandé la réouverture du procès. Aujourd'hui, mon enquête s'oriente donc vers un meurtre avec préméditation, avec pour mobile la vengeance ou le règlement de compte. Vu le nombre de gens qui auraient pu en vouloir à Gelmar, il existe donc un gros paquet de suspects possibles. Beaucoup d'interrogatoires en perspective. Ce n'est pas plus mal, ça me laisse le temps de trouver une solution à mon problème. Je tâte le billet que j'ai, contre le règlement, gardé dans ma poche. Resté seul dans mon bureau, je m'installe et entreprends de faire l'inventaire du contenu des enveloppes, muni d'une paire de gants. Mes mains tremblent légèrement. L'une des lettres permet de déterminer l'adresse et le nom de la femme de la photo. Elle s'appelle Lucienne Renard et crèche boulevard Adam de Craponne à la Roque d'Anthéron. Une autre lettre m'intéresse également et je la glisse dans mon blouson après l'avoir lue. Décidément, drôle de façon d'enquêter que j'ai depuis un moment. L'antique téléphone noir sonne dans un raffut d'enfer. « Oui, allô ?»« Ah, mes respects, monsieur le juge. »« Volpi, je n'ai pas eu une minute à moi ces derniers temps. Il faut que je vous voie et que nous fassions le point ensemble. Vous êtes sur Aix, je crois ?»« Exactement, monsieur le juge. »« Alors demain, 11h30, à la brasserie de la Madeleine. On mange ensemble et on fait le point, ok ?» Ça marche. En attendant, il va falloir lancer l'enquête sur les parents des petites victimes du car. William ? William, amène-toi, j'ai besoin de toi. William se branche en cadre dans la porte du bureau. Officier de police adjoint. Son look à lui n'est pas triste non plus. Une chemisette en Vichy bleu, un jean camargué pâte d'ef, des mocassins italiens en toile à semelles de corde, et pour couronner le tout, une belle calvitie ornée d'une paire de Ray-Ban en guise de serre-tête. Hiver comme été, une gourmette en argent lourde comme un âne mort, et une non moins énorme étoile de David autour du cou en or massif. C'est tout ce banc, le pied noir du service. De fait, il faut préciser que c'est un handicapé. Handicapé des zygomatiques. Jamais personne ne l'a vu sourire, même dans sa famille. On pense qu'il est atteint d'une infirmité congénitale. Je le mets au courant de ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas le temps. Tu te démerdes comme tu veux, mais tu fais ce que je te dis. Les gendarmes de Barcelo doivent avoir un dossier complet sur l'affaire. Rancard de toi, il va falloir passer au tamis les pères et les mères de tous les enfants blessés ou morts dans le car. Trouve-nous au moins les noms et les adresses. Je me suis bien gardé de lui demander de chercher pour quelle raison Gelmar avait été condamné en Algérie. Ce bon aussi, moins il en saura ce sujet, et mieux ça vaudra. Un soleil radieux illumine la place des prêcheurs en ce jour de marché. Devant l'église de la Madeleine, sous les grands platanes, les maraîchers ont dressé leurs étals, alors qu'au pied du calme palais de justice, sur des tapis éculés, les brocanteurs vendent à prix d'or ce que d'autres avaient jeté à la poubelle. Un marché que les Parisiens trouvent pittoresque, on se demande bien pourquoi. Ah oui, l'accent, les couleurs, comme le chant de Becco dans sa chanson qui passe à la radio. Mais enfin, quand on en a l'habitude, c'est un marché comme il y en a partout en France. Arrivé un peu en avance et pour faire baisser la tension qui règne en moi, j'erre entre les étals des brocanteurs à la recherche de l'objet rare, celui qu'on n'attend pas ou plus. Soudain, je tombe en arrêt devant un tapis crasseux recouvert d'un ensemble hétéroclite de pièces mécaniques toutes plus sales les unes que les autres. « C'est combien le phare, là ?»« 20 francs, » me répond le brocanteur en faisant trembler sa boyarde entre ses lèvres. « Allez, 10, c'est bon. » lui dis-je en tendant un billet. « Ça va pas, non ?»« De toute façon, vous ne le vendrez à personne d'autre que moi, ce truc. Alors 10 balles, c'est mieux que rien du tout. » Et je repars content. Je dois avoir l'air d'un con avec mon phare à la main. Je n'ai jamais rencontré ce juge. Il est d'autant plus difficile de jouer serré avec quelqu'un dont on ne sait rien, et c'est ce qui m'angoisse encore un peu plus. Je demande discrètement au garçon s'il connaît le juge Cassard. Il m'indique un homme d'une 60aine d'années, carré, les cheveux entièrement blancs, coupés en brosse et déjà attablés. Un journal étalé devant lui. Je m'approche. « Bonjour, monsieur le... »« Non, désolé, j'attends quelqu'un, » me coupe le juge. « La place est prise. »« Mais c'est moi, ce quelqu'un que vous attendez, monsieur le juge. » « Excusez-moi, » s'exclame le juge en me dévisageant. « Je suis, disons, surpris. Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un dans mon genre. Je sais. J'ai l'habitude. Ne vous formalisez pas. » S'il croit que j'ai la tête à m'arrêter à ça, j'en ai vu bien d'autres, et surtout en ce moment. « Remarquez que ça change, » dit le juge avec un sourire. « En mon temps, je ressemblais plus à un zazou qu'à un fonctionnaire cravaté. » Après, on change parce que c'est moins fatigant de s'habiller comme tout le monde. Asseyez-vous, je vous en prie. Mon adjoint Michaud va nous rejoindre si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Michaud, lui, n'a pas de mal à trouver la table du juge. Je dois lui servir de balise. J'étais au bar d'à côté quand je vous ai vu entrer dans celui-là. J'en ai conclu que je m'étais trompé, dit Michaud dans un sourire. Bonne déduction, inspecteur, dit le juge. Asseyez-vous. Alors, Volpi, où en êtes-vous ? Eh bien, nous avons une balle de 9 mm dans le crâne de ce brave homme, qui de plus a été ratatiné dans sa voiture, volontairement ou non. Pour le mobile, vous savez qu'il a été responsable de la mort de 3 enfants et de plusieurs estropiés. Vous vous souvenez de cet accident ? Oui, parfaitement, en 62. Vous êtes sûr qu'il ne peut s'agir d'un suicide ? Certain. Le coup n'a pas été porté à bout touchant, et on n'a pas retrouvé l'arme. Le mobile du crime est tout trouvé. Seulement, on a au moins une 15aine de suspects, au bas mot. Tant pis. Comment faire autrement, Volpi ? Espérons que la situation se décomptera assez vite. Vous ne m'enverrez que les cas pour lesquels vous avez vraiment des présomptions. Nous allons nous y mettre à 3, monsieur le juge. J'ai demandé à la gendarmerie de Barcelonnette le rapport concernant l'accident de car. Si j'avais des problèmes de ce côté-là, pourrais-je faire appel à votre aide ? Oui, mais il n'y a pas de raison. Nous avons de très bons rapports avec les gendarmes des Basses-Alpes, déclare le juge avec un sourire équivoque. Michaud se lance dans la conversation. Nous avons reçu un complément au rapport d'analyse sur le véhicule. Ils ont découvert des traces de peinture d'un autre véhicule sur la carrosserie. Il semblerait qu'il y ait eu un impact à l'avant-droit. Cette trace était récente ? Apparemment oui. La voiture était une P60 toute neuve, 2500 km au compteur. Mais il y a eu aussi un impact à l'arrière avec des traces de la même peinture. « Quelle couleur, cette peinture ?» demande le juge. « Grise, elle était grise, » affirme Michaud. « Certes, » dit le juge, « il faut donc admettre que la P60 a subi un choc qui a dû la précipiter dans le ravin. » « Et le deuxième choc à l'arrière, monsieur le juge, comment l'expliquez-vous » dis-je. « Il a dû forcément se produire avant que la P60 soit dans le ravin, donc quand elle était encore sur la route. » Et c'est ce choc qui a précipité la bagnole dans les orties, reprend Michaud. Forcément, forcément, se réjouit Cassard. Nous tenons enfin une hypothèse valable. La conversation s'échauffe, nous sommes tous les trois au cœur de notre élément. Attendez, monsieur le juge, dit Michaud. Nous sommes d'accord que la voiture a subi un impact assez important, mais qu'il a alors laissé sur la route. Elle s'est peut-être mise en travers, puis un deuxième choc à l'arrière l'a poussée en bas. Ça commence à devenir un peu alambiqué, vous ne trouvez pas ? Je remarque, en tirant sur ma royale. En tout cas, la Simca devait rouler à gauche, puisque la trace est sur son avant-droit. Après ma réflexion, les deux autres marquent un temps d'arrêt. Oui, c'est vrai, c'est bizarre, s'interroge le juge. Mais rien ne vous dit que l'autre véhicule venait en sens inverse. Et peut-être, quand on les deux choque, la victime a pris une bastos dans la tête. Ça colle, c'est tout à fait plausible. Non, pas forcément. Ce dont on est sûr... c'est que le mort a été tué dans sa voiture. On a retrouvé l'étui de la balle de 9 mm sur le plancher de la voiture. De plus, n'oubliez pas les traces de poudre sur les vêtements du mort. Je pense plutôt que le meurtrier est descendu pour l'achever dans sa voiture. Voilà. Il ne nous reste qu'à trouver qui a commis cet acte et pourquoi. Tout à coup, je prends conscience de ce que je viens de dire. Et comment j'imagine tout ça, moi ? À croire que j'y étais. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette balle ? Demande le juge. Pour l'instant, pas grand-chose. mais je suis sûr que le spécialiste va la faire parler, je précise. Le juge a l'air dans son élément. Il adore confronter ses hypothèses avec les hommes du terrain. Bien, mes enfants, mais avouez quand même qu'il faut une sacrée dose de haine ou de folie pour en arriver là. Il faut mettre une équipe pour examiner tous les alentours de l'endroit où a été trouvée la voiture. Nous allons essayer de trouver au moins un indice pour étayer la thèse. Fouillez aussi du côté de la trace de pneu que vous avez trouvée. Mais il n'est pas dit qu'on découvre quelque chose. Je vais aussi interroger la femme que fréquentait Guelmard. Peut-être que nous apprendrons quelque chose. Faites analyser la peinture grise, on ne sait jamais. En tout cas, tenez-moi au courant dès que vous avez du nouveau, surtout sur la balle. N'hésitez pas à m'appeler à n'importe quelle heure. Juste au moment où nous nous levons pour partir, Gassard me lance. Et puis, il faudrait voir ce que c'est que cette condamnation sur son casier. Les emmerdes commencent, me dis-je. Ce soir, je rentre donc très préoccupé. J'habite maintenant avec Sylvia une ancienne ferme avec de nombreuses dépendances désaffectées. Sur la route, j'ai remarqué une bagnole qui me suivait d'assez loin. Ce manège dure depuis plusieurs jours et le suiveur pense naïvement qu'il passe inaperçu. Un coup d'accélérateur et le V8 de la Chambord répond à merveille. L'écart se creuse rapidement. J'engouffre ma caisse dans un petit chemin de traverse et entends passer la voiture suiveuse quelques secondes plus tard. Je laisse aller ma tête sur le volant. Et si j'étais en pleine paranoïa? Quelle raison aurait-on de me suivre si ce n'est pour découvrir où je crèche? D'ailleurs, même mes collègues ne le savent pas vraiment. Pour eux, j'habite maintenant quelque part dans la campagne. Après le drame qui m'a arraché ma femme et mon gosse, je n'ai plus voulu habiter le petit pavillon que nous avions sur la route de mi-mai. On y avait été trop heureux avec Guido. Avec Chantal, nous l'avions vu grandir, faire ses premières cabrioles dans le gazon, ses premiers zigzags en vélo dans le lotissement. Sylvia avait un bel appartement en plein Marseille, à deux pas de son lycée, ce qui lui évitait tous les trajets qu'elle est aujourd'hui obligée de faire. Mais comme moi, elle ne voulait plus habiter dans un lieu qui lui rappelait sa souffrance. Un jour de balade, Sylvia et moi sommes tombés en arrêt devant une exploitation agricole abandonnée. Renseignements pris, les héritiers étaient vendeurs et pressés. Avec Sylvia, nous avons donc acheté ce bien en SCI et on s'y installe petit à petit. Avec l'ancienneté qu'elle a, Sylvia pourra trouver un poste dans un lycée plus proche, à Aix ou Salon. Dans les anciennes granges, je peux entreposer tout un tas de vieilleries que je stocke et dont je m'occuperai quand j'aurai du temps. Et puis ma Chambord y trouve une place de choix. Je vais jusqu'à la couvrir d'une bâche pour la nuit. Je dispose d'une fosse pour lui faire sa vidange et l'ausculter sous tous les angles. Il y a aussi un grand incinérateur du temps où les paysans brûlaient leurs déchets. Pourtant, je n'ai aucun goût pour le jardinage et Sylvia non plus. On achète nos légumes au supermarché comme si on habitait en ville. Non, ce qui me plaît dans cette baraque, c'est la place et la tranquillité. Je n'ai de compte à rendre à personne. Il m'arrive certaines nuits de faire beugler mon ampli à fond lorsque je suis en veine d'inspiration sur ma Stratocaster. Personne ne s'en plaint car personne n'entend. Sauf Sylvia, qui apprécie, heureusement. Si seulement j'avais eu cette ferme quand Guido et Chantal étaient encore vivants, qu'est-ce qu'on aurait pu se marrer dans cette baraque? Guido aurait pu gambader à perte de vue toute la journée. J'aurais acheté un vieux tracteur rien que pour que mon fils s'amuse avec. Nous aurions élevé des poules et des lapins. Mais la vie, ou plutôt la mort, en a décidé autrement. À cause d'une brute vindicative et obtuse, salova. Dès sa descente de voiture, Sylvia vient me rejoindre. À la mine que je dois faire, elle comprend immédiatement qu'il s'est passé quelque chose. « Qu'est-ce que tu as, Gino? Tu as un problème ?» Je la prends dans mes bras et laisse tomber d'une voix blanche. Guelmard a été assassiné. Sylvia tressaille mais ne dit rien. Nous restons ainsi quelques secondes dans les bras l'un de l'autre, puis je la repousse doucement et la regarde dans les yeux. « Tu te rends compte ?» Sylvia hoche la tête mais ne dit toujours rien et baisse les yeux. Elle s'écarte de moi, son ami et amant, et entre dans la maison. Je la suis à l'intérieur. « Alors, tu ne dis rien ?» je demande, inquiet. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Gary ? Tu voulais le faire et tu l'as fait. Il n'y a rien à dire, c'est tout. Mais ce n'est pas moi, Sylvia, je te le jure. Et c'est ça qui est grave. Car l'assassin s'y est pris exactement de la façon dont je l'aurais fait. « Oui, bon, » répond Sylvia d'un ton peu convaincu. « Écoute, Gino. Tu n'as pas à te disculper ni à chercher aucune approbation de ma part. Tu as fait ce que tu pensais bon de faire. Si tu veux, nous en resterons là, et nous n'en parlerons plus jamais. Plus jamais, tu entends ? Insiste-t-elle. Pris d'une rage soudaine, j'ai besoin de libérer la tension qui m'étreint depuis le matin. Je balance un grand coup de tatane dans une chaise qui va valser contre le mur. « Mais pute borgne, tu vas m'écouter, oui ? Je te dis que c'est pas moi. Et de plus, je suis chargé de l'enquête. Tu vois un peu le merdier dans lequel je suis ? Il faut que tu m'aides, Sylvia. Je ne suis pas fou, mais j'ai l'impression de me dédoubler, comme si un autre moi-même avait agi à ma place. Je me sens coupable, comme si c'était moi qui l'avais réellement tué. « Allez, calme-toi, Bello. Je crois que tu es en crise en ce moment. »« Ce n'est pas grave, le docteur te l'a dit. Il faut que tu sois patient. Ne t'inquiète pas. Puisque tu n'es pas l'assassin, ce n'est pas la peine de te mettre dans des états pareils. Guelmar a crevé. Eh bien, tant mieux. Paix à son âme et maintenant tu vas être tranquille. »« Tranquille, tu parles ?» je murmure. Je suffoque tout à coup dans cette pièce et sors prendre de l'air frais. Assis sur le seuil de la porte, j'extirpe de ma poche la photo que j'ai subtilisée au domicile de Guelmar, ce cliché qui montre deux hommes jeunes, en treillis kaki, se tenant par l'épaule et souriant. Deux autres soldats sont sur la photo. L'un des deux, je ne le connais que trop bien. Si seulement je pouvais me souvenir du nom de l'autre. Mais maintenant, c'est trop tard. Je relis la lettre. Ça y est, j'ai enfin réussi à lui mettre la main dessus. On va pouvoir lui régler son compte. Il crée dans un pavillon près de Mimet. Et il rentre tous les soirs chez lui vers 7h30 par la route de Gardanne. Tu ne peux pas le rater. Il a une herbite Gordini bleue, avec deux grosses bandes blanches en travers. Ça ne tient pas très bien la route, ces bagnoles, si tu vois ce que je veux dire. À toi de jouer, Fangio. C'est toi l'as du volant. Il ne faut pas être grand clerc pour reconnaître que l'écriture est la même que celle du billet retrouvé sur le mort. Ce billet, je ne peux pas le détruire, car le légiste connaît son existence et l'a certainement lu. Si jamais l'affaire prenait un jour nouveau, je pourrais avoir plus d'ennui de sa disparition que de son existence. Je sors mon zippo et allume une royale, puis sans me presser, je brûle consciencieusement la lettre subtilisée et en écrase les cendres. Cette lettre vient corroborer, si besoin était, les certitudes que j'avais sur la culpabilité de Guelmar pour l'assassinat de ma femme. En revanche, elle m'a appris ce que je pressentais déjà. Dernier est dans le coup. Qui d'autre que lui aurait pu écrire ces mots ? C'est Vergnieux qui m'a logé. Je ne suis pas devenu parano. Vergnieux ne doit pas être bien loin et représente pour moi un danger non négligeable. Il va falloir qu'à mon tour je le loge rapidement. Mais pas question de me renseigner auprès de mes collègues. Peut-être arriverai-je avec le numéro d'immatriculation de la bagnole qui me suit. Car je suis sûr maintenant que c'est Vergnieux qui me suit et qui veut terminer le boulot. Je brûle également la photo que j'avais mise de côté. Pas question qu'on me reconnaisse aux côtés de Guelmar et Vergnieux. L'entaille qui crée mon corps sous la photo montre assez la haine qui animait Guelmar à mon endroit. Si seulement je pouvais me souvenir du nom du quatrième qui est sur la photo. S'il se mettait à parler, celui-là. Adieu le secret. Bonjour la cagade. Descendre vol au vent. Malheureusement, mon angoisse ne s'envole pas avec elle.